La traversée de l'Hudson, de Peter Stefan Jung. Mon fils a derrière lui 29 heures de voyage. Vous voyez pas qu'il en peut plus? Ça saute pourtant aux yeux. Non, sur un pont que tu ne connais pas, le Tappan Zee. Je me suis trompé de route tout à l'heure, mais tout est rentré dans l'ordre. C'est à ce moment qu'il remarqua la chose. Là, en bas, dans le fleuve, directement sous le Tappan Zee, et parallèlement à lui, reposait, nu, le corps gigantesque de son père. Nous sommes différents, Gustave. Nous sommes autres que les autres. Les parents de ta mère ont été poussés dans des wagons à bestiaux alors que nous avons réussi à fuir, Rosa et moi. Nous nous sommes enfuis devant la mort. Quatrième épisode. Qu'est-ce que j'y peux si je suis tombé dans le pire embouteillage de ma vie? Non. La batterie est vide, j'ai emprunté ce portable à quelqu'un. Non. Mais moi aussi, je suis à bout de force. Elle a raccroché. Tenez. Les téléphones mobiles ont transformé le monde. Et tu ne remercies pas cette gentille dame? Merci. De rien. Dieu, qu'elle est jolie. Avec quelque chose de pas banal, quelque chose de charmant, d'innocent. Tu as remarqué? Papa l'aurait trouvée désirable, songea Gustave, avant même de remarquer combien elle lui plaisait à lui. Une fois, lors d'une fête estivale dans la villa qu'un acteur de cinéma autrichien possédait au bord d'un lac, le père et le fils avaient trouvé du charme à la même femme, une styliste anglaise que sa première collection avait rendue célèbre dans toute l'Europe. Elle avait des gestes doux et lents, son regard sérieux était irrésistible. Ludwig et Gustave lui tournaient autour en présence de Rosa, qui fêtait ce soir-là son 65e anniversaire dans le cercle de ses amis et feignait de ne rien remarquer. Le père et le fils s'efforçaient de faire la conversation à l'inconnu, de capter et de retenir son attention. Quoique Gustave eût déjà 29 ans, c'était la première fois qu'il faisait la cour à la même femme que son père. Elle faisait les yeux doux à l'un comme à l'autre. Le fils l'emporta sur son père dans ce concours. Il obtint de l'inconnu son adresse et son numéro de téléphone, lui rendit visite à Londres quelques semaines plus tard et la séduisit au 24e étage d'un hôtel donnant sur Hyde Park. Elle s'était aussitôt retrouvée enceinte de lui. Je ne veux pas mettre au monde un enfant qui soit parent avec ta mère. Dès la première rencontre, je n'ai pas pu la sentir. C'est une vieille sorcière, imbue d'elle-même, qui n'a rien à dire et qui se gonfle d'importance en société. Tu devrais devenir comme ton père, pas comme ta mère. Qu'est-elle devenue, au fait, cette personne à qui tu avais fait un enfant à l'époque? Tu lis dans mes pensées, môme. Je pensais à elle à l'instant. Et au fait qu'elle m'a dit un jour... Vole donc la caisse d'un magasin, comme ça tu auras ton nom dans les journaux, qualité de voleur et non comme fils de ton illustre père. Tu seras celui qui a volé quelque chose. Tu te débarrasseras enfin de l'image du fiston bien gentil, voire un peu terne. Ça ne répond pas à ma question. Nous ne sommes plus en relation. Elle est devenue artiste peintre et vit dans la banlieue de Dublin, j'en sais pas davantage. Une femme qu'on a aimée, avec qui on a couché, et à qui on n'a fait pas ce qu'un enfant, comment peut-on la perdre de vue? Ça n'existe pas. Des êtres humains peuvent quand même pas se traiter ainsi. Comment mon propre fils peut-il être comme ça? Quelle horreur, Bourget. Ah, tu me donnes la chair de poule. Elle manquait à Gustave à présent, cette lutte avec son père. Il ressentait l'absence de cet élément fondamental dans la vie d'un fils. Si on ne livre pas jusqu'au bout le combat contre le père, si on néglige de se défendre contre lui, on se sentira toute sa vie faible, incomplet, peu viril, un perdant. Les fils qui n'ont pas mené ce combat, on les reconnaît à leur dos voûté, à leur fatigue incessante, à leur mauvaise humeur, nuit et jour, à leurs problèmes de digestion. Gustave regarda dans les vagues le nombril paternel. Ludwig David Rubin était venu au monde à Prague. le père du père, Théodore Rubin, assez connu comme dramaturge et comme scénariste de films muets, organisa une petite conférence de presse à l'hôpital et fit en sorte que les feuilles de choux de Prague parlent du nouveau-né qui souriait dans sa couveuse. La maison de ses parents était fréquentée par des femmes et des hommes en vue à l'époque. Hommes politiques, artistes, personnalités en tout genre, de Fritz Lang à Egon Erwin Kisch, de Fritzi Massary à Charlie Chaplin. Gustav avait grandi dans des conditions analogues. C'est comme visiteur au salon, et non sous forme d'encre d'imprimerie, qu'il avait connu Ernst Bloch, Herbert Marcuse, Théodore Adorno. Tu es bien silencieux, trésor. Tu dois te sentir fatigué maintenant. Rien d'étonnant, dis-le franchement. Si tu veux, étends-toi sur le siège arrière, comme dans ton enfance quand nous rentrions tard d'une soirée ou d'une excursion à la campagne. Tu dormais toujours couché sur la banquette arrière. Allez, viens. Revenons à la voiture, Bourchi. Quand les balais voleront, on pourra repartir. Il adorait cette expression de sa mère. Quand Rosa lui disait cela, dans son enfance, il voyait des balais de sorcières filer à travers les airs. Il ne connaissait personne, ni dans son enfance, ni à présent, qui disait « Quand les balais voleront ». Avançons encore un peu. Je voudrais voir si on aperçoit le troisième mamelon tout petit qu'avait papa. C'est important pour moi. Parce que ça te donne l'assurance que tu es bien son fils. Pour moi, il a toujours été un étranger, même si je l'aimais beaucoup. Quelqu'un dont je me suis servi pour avoir un enfant. Un étalon d'élevage qui t'a servi à me faire naître. Oh, tu simplifies toujours épouvantablement les choses. Je ne fais que répéter ce que tu... Tu rêves. J'ai jamais dit ça comme ça. C'est comme l'histoire du jeu que tu niais avoir jamais joué avec moi. Quand j'avais 10 ou 11 ans, sur le chemin de l'épicerie, d'un instant à l'autre, tu faisais semblant de ne plus me connaître. Au milieu du trottoir, au moment où je te donnais la main, je croyais que tu plaisantais. Je commençais même pas à en rire, mais tu n'en démordais pas. Qu'est-ce que tu me veux ? Qui es-tu ? Eh non, je ne suis pas ta mère. Dépêche-toi de filer. Disparais, mais vite. Je t'en prie. Cesse de vouloir me prouver combien j'étais méchante avec toi. Aucune mère n'a aimé son enfant autant que je t'ai aimé. Pendant que nous y sommes, qu'as-tu encore à me reprocher ? Que tu m'as poussé vers le mauvais métier. J'aurais dû, à l'époque, écouter papa et pas toi. Mais tu voulais naturellement rester lié à ton père par un lien secret à travers moi, à travers mon métier. Tu aurais dû t'écouter toi, ni ton père ni moi. Bourchi, tu vas pas te mettre à écouter un speech sur l'histoire des ponts, nom du ciel. Laisse-moi écouter maman, maman, je t'en prie, tais-toi. Nulle part sur cette planète, je ne me sens aussi élevée spirituellement que sur un grand... Tu veux toujours tout caser en même temps. Moi, ton père, ta vie de couple, ta vie de famille. Et maintenant, en plus, il faut que tu écoutes l'exposé de cette épouvantable raseuse. Écoute, moi, je m'avance doucement. Fais ce que tu veux. L'idée que présenter l'isolement par l'eau était éliminé par le pont. Pour l'homme primitif, bon, tu viens maintenant. Elle avait toujours interrompu Ludwig de la même manière, en pleine conversation. Elle le tirait par la manche, estimant qu'il n'avait pas à se consacrer à des individus sans importance ni intérêt, des collègues chercheurs, des journalistes, des hommes politiques, ni à perdre son temps à des choses accessoires. Et le père en avait des crises de fureur. Il insultait Rosa pour son inculture et son manque de curiosité, sa paresse intellectuelle et son esprit borné. Je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse être comme toi. Passe tes journées comme les cygnes, les mouettes et les canards, sans but, sans rien faire. Fais quelque chose. Enfant, Gustave se désespérait de voir que sa mère n'avait aucune idée de rien. Et pourtant, curieusement, elle parvenait presque toujours à faire comme si elle était au fait, comme si rien ne lui était étranger. Avoir tort, cela n'existait pas dans l'image qu'elle avait d'elle-même. Sa simplicité d'esprit était couplée avec de l'astuce, son ignorance et son inculture avec de la roublardise. Et quand elle commettait un impair particulièrement énorme, elle disait chaque fois « Mais voyons, je plaisantais !» César et Napoléon furent les plus importants. Tu ne viens pas, Bourchi, c'est de ta part une grossièreté si impudente que je prends demain le premier train pour rentrer chez moi. Pour leur conquête militaire. À l'époque moderne. Il courut pour la rattraper, tout comme naguère, il trottinait derrière son père. Depuis son enfance, sa volonté était prisonnière d'un sommeil comme celui de la Belle au bois dormant. Elle semblait prise dans la glace. Sinon, comment aurait-il pu abandonner ses études, dévier de sa voie à un embranchement décisif et déraper jusqu'à se retrouver négociant en fourrure? Il cédait. Il faisait ce qu'on attendait de lui. Il se laissait manœuvrer. Le père avait su, jadis, encourager le fils, mais Gustave ne possédait ni la détermination, ni l'ambition, ni l'énergie nécessaire pour tirer des conséquences de cette incitation. Entre Ludwig et Gustave, c'était le monde à l'envers. Le père fin, cultivé, passionné de philosophie et d'art, le père actif, dynamique, couvert de gloire, le fils, un historien obscur, spécialiste de la guerre de Cent Ans, fatigué, sans énergie, toujours pâle, gagnant sa vie comme fourreur, profession qui lui déplaisait un peu plus chaque année. Le père considérait le choix de ce métier comme une aberration, certes, mais il en éprouvait aussi un brin de satisfaction. Jamais le nom de son fils n'éclipserait le sien. Ludwig David Rubin, n'êtes-vous pas le père du célèbre historien ? Gustave Robert Rubin ne serait jamais capable de se faire un nom. Je savais bien que tu me suivrais. Te rappelles-tu comme ton père donnait sans cesse des interviews lorsque nous sommes partis en bateau de New York pour l'Europe en 61 ? Les journalistes sont montés à bord avant le départ, car c'était l'année où avait paru son livre, Fusion. Tu restais assis tout près pendant toutes les interviews, tu adorais ça. Bien sûr, tu étais fier de lui. Moi aussi, d'ailleurs. Gustave ne se rappelait pas seulement le marathon des interviews du début des années 60. Il portait en lui le souvenir de 1000 autres interviews que le père avait données en sa présence et plus tard en son absence, mais non à son insu. Chaque fois que le père était interviewé, le fils se sentait un peu plus faible. Et un peu plus faible encore. La BBC tourna une émission d'une heure et demie au cours de laquelle le fils unique aussi devait être interrogé. « Que voulez-vous être un jour ?» demanda le réalisateur au garçon de 18 ans. Gustave bafouilla, parla de son intérêt pour l'histoire et de sa passion de la photographie. Pour un jeune homme de son âge, il avait l'air étonnamment enfantin. Et sans doute tellement irrésolu que, le film une fois monté, il ne resta plus rien de lui sinon une petite photo en noir et blanc où il avait 3 ans et était assis, un ballon de baudruche à la main, entre ses parents. Elle avait été prise dans la salle à manger du France pendant une de leurs traversées transatlantiques. Maman. Oui, quoi ? Revenons à la voiture. Pourquoi ? Parce que tu es fatiguée. Parce que nous sommes fatigués. Parce que nous sommes fatigués, d'accord. Et parce que nous avons faim et soif. Je veux d'abord regarder de plus près le ventre de papa. Nous y sommes presque. Bon. Mais après, on revient tout de suite à la voiture. Si tu veux. Grand comme un terrain de football, l'abdomen du père formait une avancée bombée dans les flots. Comme il avait souffert du ventre et de l'estomac. Il ne prenait guère un repas sans avoir mal ensuite à en désespérer. Ces affreuses douleurs que je dois supporter. Je les ressens comme un juste châtiment. Non. Pas comme un châtiment. Ce ne serait pas le mot juste. Plutôt comme le prix que je dois payer pour la vie magnifique que j'ai le droit de mener. La seule chose qui me vexe, c'est que je n'ai jamais pu aller en Inde. À cause de mon estomac. Tout ce que j'ai le droit de manger a merveilleusement goût de rien. Chaque jour de sa vie d'adulte, Ludwig avait dû s'imposer d'interminables séances dans les salles de bain, armées de journaux et revues auxquelles il était abonné. On passe un tiers de sa vie à dormir, mais lui passa un bon dixième des 2/3 restants au petit coin. Quand il en ressortait, tel un guerrier après une bataille gagnée, il jouissait de quelques heures de paix, goûtait des moments exempts de douleur, de doux instants, où il était immensément content de lui et du monde. S'il devait m'arriver quelque chose, dis-toi que j'ai eu une vie fantastique. J'ai joui de chaque moment. N'oublie jamais cela. Jamais. Tu me promets? Dans toute sa façon de penser et d'agir, avec ce désir insatiable du toujours nouveau, du toujours plus, Ludwig faisait l'effet d'être de loin le plus jeune des deux. Jusqu'à son 80e anniversaire, il montrait plus d'allant que ses étudiants, plus de vivacité que des artistes soucieux d'arriver, plus d'optimisme que la plupart des gens en début de carrière. Il travaillait depuis le petit matin jusque tard dans la soirée. Tous les jours, il écrivait, lisait, discutait, analysait. Gustave courait après cette énergie paternelle. Il ne la possédait pas. Pour toi, un tel événement est énorme, bien sûr. Une aventure. Oh. Car enfin, en temps normal, tu vis rien, hein, ou pas grand-chose. À part les quelques dames qui montent chez vous, au magasin, et tournicotent devant les miroirs, ces poupées mécaniques vieillissantes. Ou alors les vols occasionnels, généralement commis par vos propres employés. Oh, quelles histoires passionnantes, hein. Pendant ce temps, tu t'enrichis d'heure en heure, sans lever le petit doigt. Pour le moment, je suis trop épuisé pour me disputer avec toi, maman. Mais ma réponse viendra. Et je suis très curieuse de l'entendre. Elle ne soupçonnait pas, même Madeleine n'était pas au courant, que depuis un an, Gustave était endetté, que les affaires ces derniers temps allaient de plus en plus mal. La maison Lichtmann et Rubin étaient dans le rouge depuis maintenant 2 ans. Sur le compte en banque de Gustave, à Vienne, le découvert avait atteint un montant considérable. L'achat de la maison sur le lac Gilead, en particulier, avait mis Gustave dans la pire situation financière qu'il eût connue de sa vie. Il avait fait cet investissement à une époque où le commerce des fourrures allait encore un petit peu mieux. La grande campagne mondiale contre les fourrures à la fin des années 90 n'avait pas encore produit tout son effet. Gustave empruntait de l'argent à son associé, Richard Lichtmann, pour pouvoir éponger, au moins provisoirement, les dettes les plus urgentes. La nuit, il restait sans dormir, sentant dans son ventre un vide qui le rongeait, dans la poitrine un gigantesque creux noir qui mordillait le pourtour du cœur et pompait toute son énergie. Une affreuse oppression le tourmentait depuis des mois. Cette histoire m'ôte mes dernières forces. Je sais que tout cela est le fruit de mon imagination, mais pourquoi certaines des personnes que j'ai interrogées tout à l'heure ont-elles vu, elles aussi, quelqu'un étendu là, en bas? Allons, revenons enfin à la voiture. J'ai besoin de m'asseoir, ou même de m'étendre. Il y a 10 minutes, c'est ce que tu proposais toi-même. Tiens bon encore un moment. Je ferai demi-tour avec toi. Il y a des moments dans la vie qu'il ne faut pas interrompre. Le troisième mamelon de papa t'importe plus que l'état où je suis? Le regard de Gustave s'attarda sur la main droite de son père, avec ses grandes taches de vieillesse. C'est toi qui commence. Vas-y. Et il revit leur jeu préféré. Le jeu de boules avec des pièces de monnaie. En attendant Mom les dimanches matins ou les jours fériés, il lui fallait toujours une éternité pour se maquiller et s'habiller avant de partir déjeuner. Ils attendaient qu'elle arrive sur le trottoir devant leur immeuble du 3e arrondissement de Vienne. Chacun avait en main 6 ou 7 pièces de monnaie de taille et de poids différents. Le jeu consistait à les lancer le plus près possible d'une pièce qui était le but, à 10 ou 15 mètres de distance, tout comme aux boules, on cherche à se rapprocher du cochonnet. Ils étaient capables de s'adonner indéfiniment à ce jeu favori, sans se lasser. Quand Mom faisait enfin son apparition, ils étaient déçus de devoir s'interrompre. Alors, j'aurais pu prendre mon temps, disait chaque fois Rosa sur un ton de reproche. Chaque fois. Rosa fut la première à atteindre la Cadillac. Sa serrure avait été fracturée. Gustave avait sur lui son argent liquide, le petit appareil photo et son portable déchargé, mais ses cartes de crédit, son permis de conduire, son passeport et son billet de retour avaient disparu. Le sac de Mom, avec son portefeuille contenant 200 dollars et son flacon de Chanel numéro 5, était intact sur le siège du passager. Gustave n'avait pas l'énergie nécessaire pour être furieux de ce vol. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Oh, je ne sais pas par où commencer tant qu'il y a deux choses que vous pourriez faire pour nous. Oh, vous êtes adorable, merci. Ma mère a votre âge. Je veux dire qu'elle est aussi jeune que vous. Et même, vous lui ressemblez un peu. Oh, est-ce que votre mère est également aussi belle que moi ? A-t-elle des yeux d'un bleu aussi bleu que moi ? Votre père vit-il encore ? Avez-vous des frères et des sœurs ? Comment vous appelez-vous ? Que faites-vous comme métier ? Maman. Comment se fait-il que vous soyez aussi gentille avec moi ? Maman, je t'en prie, ça fait beaucoup de questions à la fois. Si cette jeune dame est vraiment aussi merveilleuse que je l'ai pensée, tout à l'heure, lorsqu'elle nous a laissé téléphoner, elle répondra à toutes mes questions l'une après l'autre. J'ai grandi dans ce coin. Ma mère, Joséphine Tassel, m'a élevée seule. Je n'ai pas connu mon père. Ma mère a les yeux de la même couleur que vous. Ce même bleu clair, radieux. Elle vit de l'autre côté du pont. Si vous voulez, nous pourrions lui rendre visite ensemble. Et que cette catastrophe ici sera terminée. La région autour du Tappanzi est une région enchantée, croyez-moi. Je la connais bien. Je m'appelle Erin. Et moi, je suis Rosa Rubin. Mon père était négociant en fourrure à Vienne. Et mon fils continue dans le même métier. Mon mari est mort, voilà tout juste un an. Il était très connu. Ludwig Rubin. Peut-être avez-vous déjà entendu son nom, non ? C'était une sorte de philosophe, mais il était aussi physicien et atomiste. C'était un être merveilleux, un mari et un père merveilleux. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et voici mon fils Gustave. Il est très souvent malade, tant enfant, un petit garçon adorable et terriblement affectueux, nourri au biberon jusqu'à 3 ans. Vous ne pouvez pas imaginer comme il était mignon comme bébé. Et jusqu'à 11 ans, il ne savait pas beurrer lui-même ses tartines. Mom. Maintenant, c'est un grand costaud, hein, comme vous voyez. Hélas, marié. Non, je ne devrais pas dire ça comme ça. Il va se fâcher. Et en tout cas, marié. Et père de 2 enfants, hein. Il vit à Vienne et il est arrivé aujourd'hui à New York avec un énorme retard. Mais il n'est pas John Kennedy, avec le vol American Airlines AA-344 en provenance de Londres. Mais comment, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, c'est que moi aussi, je suis arrivée par cet avion très en retard. Quelle coïncidence! C'est drôle, tu trouves pas, Gustave? J'adore ce genre d'histoire. Ça me fait oublier au moins un moment la monotonie de la vie pour une fois. Le réacteur gauche est tombé en panne 3 heures après le départ. Désolé. Et pourquoi seriez-vous désolé? Je n'y pouvais vraiment rien. Ce genre de choses arrive une fois en 3000 vols. Un instant, c'est pas possible. Vous pouvez pas piquer comme ça notre curiosité et ensuite filer là sans tambour ni même de trompette. Vous avez un secret que Gustave et moi souhaitons connaître. C'est moi qui pilotais l'avion par lequel votre fils est arrivé avec retard aujourd'hui. This is your captain speaking. Incroyable. L'embouteillage au loin commençait à se desserrer. 18h15. Gustave pouvait encore rejoindre sa famille avant le début du Shabbat. Mais au lieu de jubiler, il se sentait abattu. Comment voulait-on qu'il quitte le Tappanzi avant d'avoir arpenté le reste du corps paternel? C'était La traversée de l'Hudson, de Peter Stephan Jung. Traduction, Bernard Lortolari. Adaptation, Julien Doumac. 4e épisode, avec Daniel Lebrun, Mom, Christophe Giordano, Gustave, Jean-Gabriel Nordmann, Ludwig, Myriam Ajar, Erin, Thibaut de Montalembert, le narrateur, et les voix de Crystal Shepherd-Cross et Nathalie Canouy. Bruitage, Patrick Martinache.